La fiance, Bouffier TF sans air, de F Grande Révolution. L'année prochaine, elle va faire une bien grande exposition. Ce sera un honneur pour la France, car on va vivre à Paris. Exposant tous les puissances, Saint-Bier les premiers prix aussi Gramin commis pour vivre toutes chez Invention. S'en iront à Paris visiter l'exposition. D'un verre d'Italie, la Chine et même du Congo, l'Égypte, aussi la Russie, l'Autriche, du Monténégro, du Japon et la Belgique, la Hollande et du Pérou, la Suisse et puis l'Amérique, il viendra même des Zoulous. Aussi gramin commis, pour vivre toutes chez Invention, s'en iront à Paris visiter l'exposition. Mais je peux point tout vous dire, les puissances qu'il y aura, chassera curieux à vivre, et c'est quoi qu'on verra. Il y aura des trucs incroyables, je peux point vous jurer que c'est vrai, mais on m'a dit que F Grand Diable viendra avec 1000 sorciers. Aussi gramin commis, pour vivre toutes chez Invention, s'en iront à Paris visiter l'exposition. On verra F Grand Tour et Pierre, et quand on sera tout en haut, vraiment on se croit au ciel. On sera d'un monde nouveau, on pourra se foutre une bonne prue. Et puis avec FS, 40 et un canchon, habitant de la lune, dit que le vin est bon. On dit même que de l'Amérique se va venir un homme volant, qui va être moyen de l'électrique, et puis des ailes de fier blanc. Qu'avec un nouveau truc, un pressant sur un bouton, tu feras de lieu à F minutes, tu feras du biche au coulon. Aussi gramin commis, pour vivre toutes chez Invention, s'en iront à Paris visiter l'exposition. Chassera incompréhensible, touche un qu'on verra latin, même des affaires impossibles, on fera tout avec rien. Autant être fina qui critique les inventeux de ce projet, eux de vivre nous bien république, faire des progrès sur projet. Aussi gramin commis, pour vivre toutes chez Invention, s'en iront à Paris visiter l'exposition.